Chapitre 5e. D'abord, son image fut une chose triste. Martial était enchanté que son père eût à la fin rencontré quelqu'un dont la société semblait lui offrir une satisfaction sans mélange. Durant l'absence du baronnet de Scarsdale, sa fille n'avait trouvé, sous aucun rapport, que sa position était une sinécure. L'ambitieuse madame de Maintenon savait par expérience combien il est difficile d'amuser les inamusables. Le fardeau de l'ennui du père était tombé encore plus pesamment sur Martial que l'affligeait lui-même. Quand un malade est d'un caractère mécontent et irritable, sa garde a de mauvais moments à passer avec lui. Depuis 5 ans, Martial avait supporté le poids des chagrins de son père, et pour le prix de son dévouement, elle n'avait reçu que quelques paroles courtoises et quelques petits sourires. Ah, s'il eût porté cette tendre et aimante créature dans son cœur, comme elle l'aurait rempli, mais il ne le pouvait pas. Sa fille Evelyne avait été la belle personnification de son premier amour. Pour sa fille Marcia, il ne pouvait éprouver que la même froide tolérance qu'il avait eue pour sa seconde femme. La jeune fille le savait. Elle savait que le cœur de sa mère avait été privé du chaud soleil de l'amour, et il lui fallait toute la sage indulgence qui appartient généralement à une noble intelligence pour pouvoir pardonner à l'homme qui avait déchiré le sensible cœur de sa mère. Heureusement, elle pouvait pardonner, car elle savait comprendre et plaindre. Tout cela est venu d'une erreur, pensait-elle, d'une malheureuse erreur. Mon père ayant donné un grand nom en échange de la fortune d'un négociant, s'imagina que des paroles polies et des sourires de commande pouvaient remplir assez convenablement l'amour. Marcia possédait, parmi quelques autres trésors, un petit paquet de lettres adressées par son père à sa mère avant leur mariage. Ces lettres auraient dû être des lettres d'amour, car elles avaient été écrites durant la période où Alicia Jones avait été fiancée à Sir Gaspard Denison. Mais le ton froid et cérémonieux de ces épîtres n'était adouci par aucune effusion de véritables sentiments. C'étaient les lettres d'un homme distingué, tel que Sir Charles Grandison aurait pu les écrire. Mais c'étaient les lettres d'un homme dont le cœur n'a jamais battu pour la femme à qui elles étaient adressées. Dans ces froides lettres d'un homme du monde, Marcia vit la justification de son père. Au moins, il n'avait jamais trompé sa pauvre mère morte, dont la pâle figure la regardait de cette miniature passée de mode. Marcia pardonnait à son père, mais elle ne pouvait oublier le chagrin de sa mère. Il se résigna à penser qu'elle aussi mourrait sans avoir été aimée, et ne serait que peu pleurer lorsqu'elle descendrait au tombeau. Le premier germe de cette idée s'était implanté dans son esprit il y avait longtemps, dès sa première jeunesse, en voyant toutes les preuves d'amour qu'on donnait sans cesse à sa sœur et dont elle était privée. Mais cette vague pensée était devenue une conviction profondément enracinée et qui ne pouvait être facilement arrachée de son sein. Elle s'imaginait que personne ne l'aimerait jamais. Elle n'avait aucun motif spécial pour penser ainsi, car elle avait été très admirée partout où elle avait paru en société. Elle avait reçu plus d'une avantageuse demande de mariage. Mais elle était une héritière. Elle possédait déjà une grande fortune dont elle avait hérité de sa mère, et elle avait en perspective la fortune de son père. Elle resta donc persuadée que tous ses prétendants étaient mus par des considérations purement intéressées, et elle les congédia avec une froideur glaciale. Il ne faisait que l'offenser par un semblant d'amour qu'il ne pouvait ressentir, et elle était blessée d'être l'objet de leur préférence affectée. Il faut se souvenir que ses titres à être regardés comme une femme remarquable n'étaient basés que sur ses habitudes studieuses et son éducation supérieure. Sous le rapport de l'expérience journalière du Monde, elle n'était pas plus habile qu'une pensionnaire. Avant la mort de sa sœur, elle était trop jeune pour paraître souvent dans le Monde. Et depuis ce triste événement, elle n'avait vu que les rares personnes que de temps à autre son père admettait chez lui, généralement pour les laisser repartir avec un désappointement et un ennui mal déguisé. Et maintenant qu'il lui avait plu de retenir le locataire de l'ermitage, la pauvre Marcia craignait quelques subites révulsions peu polies dans ses sentiments. Car elle aurait été fort heureuse que son père eût une nouvelle connaissance, capable de l'amuser pendant les tristes soirées d'hiver qui approchaient rapidement. Marcia fondait plus d'espérance sur cette nouvelle relation que sur plusieurs autres que son père avait ébauchées durant ses voyages sur le continent. car elle voyait que Pauncefort était un vrai gentleman, et quelques-unes des connaissances de son père n'avaient pas toujours été de parfaits gentlemen. Elle n'en avait été que cette parfaite imitation électroplastique d'un objet de véritable valeur, qui paraît si belle et si brillante jusqu'à ce que sa couche superficielle soit usée par le frottement. Il était impossible de se méprendre ce Pauncefort et de penser qu'il pût être autre chose qu'un véritable gentleman. Nul certificat sur son honorabilité n'était nécessaire pour l'admettre dans sa maison. Pauvre et les coudes percés peut-être, ruiné par d'extravagantes habitudes, cela se pouvait, car ces choses peuvent arriver à un gentilhomme de sang royal, mais sans être flétri par aucun déshonneur, dégradé par aucun vice, avili par aucune bassesse de pensée ou d'action. Marcia accepta l'eau de son père aussi franchement que si elle l'eût connu depuis son enfance. Ses manières graves, sa pauvreté probable, le lui recommandaient. Son esprit sérieux l'aurait éloigné d'un brillant favori de la fortune, mais il était disposé à accueillir ce voyageur fatigué et usé avec pitié et bonté. Ah, George Pauncefort sentit alors vraiment ce que c'est que de respirer l'atmosphère d'un tranquille foyer domestique après de longues années d'exil, d'un intérieur créé par la présence d'une bonne et intelligente femme. Décrirais-je comment une tendre sympathie, une tacite amitié s'établirent d'abord entre cet homme et Marcel Denison? Il est bien difficile de décrire le commencement de l'amitié. Nul doute qu'elle data de la première heureuse coïncidence de pensée ou d'imagination où leurs deux esprits s'unirent dans une harmonie soudaine, comme des notes frappées au hasard sur un instrument compose cependant un accord parfait. Parmi toutes les connaissances de rencontres qu'il avait plu à Sir Gaspard d'accueillir, le voyageur africain était le seul être dans la société duquel Marcia pouvait prendre quelque plaisir. Elle eut pitié de lui parce qu'il était pauvre, sans amis et solitaire. Elle se confia implicitement à lui, poussée par une foi instinctive dans la noblesse de sa nature. Il était de beaucoup plus âgé qu'elle, avait une brillante éducation, était raffiné, poétique. Et tous les sentiments chevaleresques de cette fille des négociants Jones s'éveillèrent en voyant son abandon et sa ruine. Elle avait toutefois adopté la théorie de Dorothée sur le solitaire étranger. Il avait été riche et avait dissipé ou perdu une grande fortune. Ses amis, ils s'étaient dispersés comme les amis de Timon, enfouis comme tous les partisans d'un général battu dans la grande bataille de la vie. Il était pauvre et était venu dans les bois de Scarsdale pour se cacher et ne pas laisser voir au monde qui avait souri à sa prospérité la chute de sa fortune. C'était une théorie plausible, et quelques mots tombés par hasard des lèvres de Pauncefort sur ses affaires étaient venus la confirmer. S'il parlait de tableaux, c'était comme un homme qu'elle avait possédé autrefois et les avait perdus. Il avait apporté un jour quelques livres de l'Ermitage à Marcia, et ces volumes semblaient quelques épaves du naufrage d'une magnifique bibliothèque. La vie qu'il portait était usée presque jusqu'à la corde. Mais même les yeux inexpérimentés de Marcia pouvaient reconnaître le talent d'un tailleur renommé du West End dans la coupe élégante de ce vêtement râpé. La vieille montre qu'il portait au bout d'un simple ruban noir était un exquis joujou d'or émaillé qui avait appartenu à Louis XVI et paraissait être le dernier objet chéri des trésors d'un collectionneur. Un matin, il était arrêté avec Marcia, à la fenêtre en meneau au bout du corridor, et regardait dans le vieux jardin la partie particulière qu'elle appelait son jardin. C'était au même endroit où il s'était arrêté pour entendre l'histoire des deux filles de Sir Gaspard, des lèvres de la locatrice femme de charge. Pendant quelques minutes, il était resté dans la même position, regardant le vieux jardin avec un regard fixe et rêveur. Il était l'hôte de l'abbaye depuis près de 3 semaines, et une agréable amitié s'était formée entre lui et Marcia. Elle était assise à la petite table et faisait marcher les échecs furtivement, tantôt en avant, tantôt en arrière, en regardant avec un demi-sourire sa figure rêveuse. « Vous connaissez quelque autre jardin semblable à celui-ci, monsieur Pauncefort ?» dit-elle tout à coup. Il tressaillit et la regarda fixement avec quelque chose qui ressemblait à de l'alarme dans le regard. « Comment voyez-vous cela, mademoiselle Denison ?»« Je vois cela dans votre figure. » Pensez-vous que j'ai pu vivre si longtemps presque seul avec papa et ne pas apprendre à lire sur la figure des gens? Je puis lire ses pensées, quelquefois je souhaiterais de pouvoir le faire, même quand elles sont profondément enfouies, et les vôtres sont très faciles à lire en ce moment. vous n'auriez jamais regardé si tendrement mon jardin si vous n'aviez pas eu dans l'esprit le souvenir de quelque autre jardin. Oui, vous avez raison. Je me croyais plus jeune de 30 ans que je ne le suis. Lorsque j'étais un petit garçon et que je donnais à manger aux canards dans un étang comme celui qu'on aperçoit là-bas, sous l'ombre de ce vieux mur, je sens presque la main de ma mère dans la mienne. J'entends encore le froufrou de sa robe, tandis que le vent d'automne soufflait sur nous, comme il le fait maintenant, et emportait les feuilles tombées. Oui, je pensais à notre jardin, bien loin dans le cœur du comté de York. Je suppose que les herbes y sont devenues bien épaisses maintenant. Il soupira comme un homme qui se ressouvient d'un héritage perdu et le regrette. Puis, se détournant tout à coup de la croisée, il reprit. « Mademoiselle Denison, je n'ai jamais dit un mensonge de ma vie, et cependant, je n'ai pas le courage de me montrer dans l'endroit où je suis né. » « Ah, pensa Marcia, Dorothée avait raison. Il doit être très pauvre, car la pauvreté est le seul péché qu'un homme puisse porter noblement, tout en sachant qu'il ne lui sera pas pardonné par le monde. » Et alors, ses yeux gris, merveilleusement doux lorsque la pitié brillait dans leur claire profondeur, étaient gentiment levés vers la figure bronzée du voyageur. Pauvre être, errant, ruiné. Marcia se prit à songer à quelques projets pour son repos futur. Son père avait de l'influence. Cette influence ne pouvait-elle pas s'exercer en faveur de cet ami étranger? Quelques petites places, quelques missions au loin, quelques positions civiles dans l'Inde. On peut citer tant de gens qui, après avoir perdu leur fortune, sont redevenus florissants à l'ombre de l'Himalaya. La femme dont la pitié n'est pas mêlée d'un peu d'esprit pratique n'est pas une vraie femme. Avoir pitié de quelqu'un pour Marcia, c'était lui venir en aide. Pensford s'assit aussi, devant l'échiquier. Il n'était en aucune manière capable de laisser soupçonner les sombres secrets qui pouvaient être cachés dans son sein. Mais quand un homme porte un renard caché sous son gilet, la patte serrée de l'animal peut de temps à autre sortir de sa cachette et se laisser apercevoir. « Jouons-nous, mademoiselle Denison ?» demanda le locataire de Sir Gaspard en mettant sa main sur les pièces d'ivoire. « Si cela vous fait plaisir. » Ils étaient bons joueurs, tous les deux, mais ce jour-là, les tactiques de Marcia étaient des plus singulières. Ses cavaliers tombaient irrésistiblement dans les mâchoires affamées des fous de son adversaire. Ses pauvres petits pions étaient emportés de l'échiquier par ses tours plus prestes, et même sa reine tomba victime des avances faites traîtreusement à la dérobée par un de ses cavaliers. « Échec et mat et double victoire, mademoiselle Denison, » s'écria Pensford. « Vos pensées ont marché plus vite que les pièces sous votre main. Je crains que le jeu ne vous ait fatigué. » Marcia rougit. L'hôte de son père était froissé, et cependant, pendant tout ce temps, elle avait formé 1000 projets pour son avenir. Si on pouvait seulement lui faire avoir cette nomination dans l'Inde, cet homme pourrait recommencer sa vie, avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles espérances, presque un renouvellement de jeunesse. Et tandis que Marcia faisait des projets pour son bien-être, cet ingrat était mécontent d'elle, parce qu'elle était inattentive à une partie d'échec. Bien des femmes se seraient offensées du ton fâché de Pensford, mais non Marcia. Elle était tout à fait femme dans la plus haute et la plus pure acception du mot. Ce n'était pas une fille frivole, avide d'admiration, empressée de faire des conquêtes, mais une femme ayant longtemps souffert, tendre, pas égoïste, ayant la simple candeur d'un enfant et le patient héroïsme d'une martyre. George était depuis près de 3 semaines l'intime de l'abbaye de Scarsdale. Pendant ce temps, lui et Marcia avaient été beaucoup ensemble, en dépit de ses occupations féminines qui retiennent les jeunes personnes dans leur appartement plusieurs heures de la journée. Cette tranquille maison était un meilleur endroit que tout autre pour faire naître l'intimité et l'affection entre deux personnes disposées à s'aimer. Marcia et Pensford étaient toutes portées à le faire, car le doux esprit de la compassion avait envahi le cœur de tous les deux. George conservait avec amour le souvenir de cette simple histoire de famille que lui avait racontée la femme de charge, l'histoire de la triste enfance d'une pauvre petite fille sans mère, oubliée et négligée. Il s'en ressouvenait, et c'est à l'allure de ces pénibles impressions qu'il avait considéré Marcia la première fois qu'il l'avait vue. Il n'avait pas vu l'héritière de Scarsdale dans cette noble jeune fille à la figure toujours pâle. Il avait seulement vu la pauvre enfant sans bonheur, qui n'avait jamais pu obtenir l'amour de son père, la fille négligée, dont la solitaire enfance était changée en une jeunesse plus solitaire encore. Le locataire de Sir Gaspard aurait fui, frappé de terreur, une jeune fille heureuse et frivole, radieuse de la conscience de ses charmes, empressée de revendiquer et d'établir la royauté de sa beauté. Mais en présence de la Palmarcia, il avait éprouvé un sentiment de paix et de sécurité qu'il avait entouré comme le souffle embaumé des brises du midi par un jour d'automne sans soleil. Ils eurent pitié l'un de l'autre et involontairement leurs voix prirent un ton plus doux quand ils causèrent ensemble. Elle était si peinée de le voir sans fortune et sans amis. Il était si chagrin de son enfance sans amour, de sa jeunesse perdue et sans joie. Et dans ce même temps, le capricieux Sir Gaspard semblait être devenu constant. Il y avait 3 semaines que Pauncefort était à l'abbaye, et cependant il n'y avait encore eu aucune apparence de froideur et de désenchantement. Chaque matin à 9 heures, on se réunissait pour le même petit déjeuner dans la salle à manger lambrissée en chêne où l'on causait agréablement. Chaque soir à 7 heures, on se retrouvait pour le même dîner confortable accompagné de délicats vins du Rhin. Entre le déjeuner et le dîner, il y avait des rencontres de hasard, soit dans le corridor, soit sur la terrasse, et après le dîner, une longue et tranquille soirée, une de ces délicieuses soirées du foyer avec leurs causeries sans fin et leur excellent thé infusé dans un chef-d'œuvre sous forme de théière et versé dans des tas de vieux saxes par les gracieuses mains d'une femme. Est-il sage, George Pauncefort, est-il sage de prolonger ainsi ton séjour et d'être heureux quand il faudra que tu partes tôt ou tard? Il a des excuses pour s'attarder. Assurément, car jamais il n'eut d'ouvrier si lent au point de vue des affaires et du commerce que ses maçons, ses charpentiers et ses fumistes occupés à restaurer l'ermitage. Et d'un autre côté, en regardant l'édifice avec les yeux du commensal de Sir Gaspard, nul beau palais ne s'est jamais hâté d'arriver si vite à son achèvement que le bizarre vieux bâtiment du bois. Déjà, ce mot mystique que le pensif voyageur qui accompagne le batelier de Sir Edward Layton a soin de répéter si souvent, résonnait comme un glas de mort aux oreilles de George. Il avait séjourné 5 semaines à l'abbaye, et les ouvriers avaient été occupés 1 semaine de plus que le temps fixé pour la fin de leurs travaux. Il ne lui restait plus qu'à faire des remerciements polis au baronnet pour son hospitalité et à retourner à son ancien logis. Son ancien logis. Aurait-il le même aspect pour lui? Aurait-il jamais pour lui cette quiétude tranquille, cet ancien calme sans joie, qui au moins était la paix, la parfaite consolation qu'il trouvait dans sa pipe ou dans un livre, le contentement qui naît dans un esprit qui s'est complètement résigné à renoncer à toute espérance de bonheur? Les connaîtrait-il jamais encore? Ah, le fou! Il pouvait à peine fermer les yeux maintenant, sans voir la taille d'une femme et une délicate figure penchée sur une table à thé, la courbe gracieuse d'un cou svelte, l'éclat chatoyant d'une robe de soie dans une pièce où il y a du feu. Et on était à la fin de novembre, et les soirées seraient bien longues. Ah, voyageurs fatigués! Si les anges qui gardent les portes du paradis avaient sans leurs épées flamboyantes, te demandaient de t'arrêter, de te reposer. Sans prendre garde à leur bonté, tu devrais rejeter leur offre généreuse. Car après les délices du jardin, viendraient les angoisses du départ. Et le grand chemin poudreux te semblerait par le contraste 1000 fois plus stérile après la splendeur éclatante de l'Éden perdu. Des pensées semblables à celles-ci pouvaient bien traverser l'esprit de George pendant la dernière soirée de son séjour à l'abbaye, car il fut très silencieux. Il avait l'habitude de causer beaucoup et de bien causer, pendant ces paisibles soirées si peu gênées par une contrainte cérémonieuse, si à l'abri de l'intrusion d'aucun élément incongru du monde extérieur. Les explorateurs du Pays des Neiges, abrités dans les murs hospitaliers d'un monastère des Alpes, eussent à peine pu être plus entièrement seuls que ces 3 personnes l'étaient dans cette grande bibliothèque de Scarsdale. Il n'y avait pas jusqu'à Sir Gaspard lui-même, qui s'enorgueillissait de son indifférence pour les allées venues des connaissances qu'il se mettait en tête d'admirer et de patronner. Il n'y avait pas jusqu'à Sir Gaspard lui-même, dont la figure blême ne prit une expression de véritable regret lorsqu'il parlait du départ de son hôte. « Demain matin, vous dites que vous devez partir ? Vous avez besoin de retourner à vos anciennes habitudes, à l'étude et au reste. Bien, monsieur Ponsford. Je n'ai nul droit à mettre aucun empêchement égoïste à ce qui semble une détermination arrêtée. Si vous voulez partir, vous le pouvez. Et je dois me résigner à revenir d'Afrique et à renoncer après dîner à ma partie d'écarté. Marcia a été assez bonne pour apprendre ce jeu. Mais aucune femme ne joue jamais bien à l'écarté. Leur seule notion de ce jeu est que le roi doit être quelque part dans les cartes, et qu'en proposant toujours, elles sont sûres de finir par l'avoir. Je vous regretterai beaucoup, monsieur Ponsford. Nous nous disputions si agréablement sur Bolingbroke et sur Voltaire. Il n'y a rien de si charmant que la société d'un homme dont les opinions sont totalement opposées aux nôtres. Vous me manquerez énormément, s'écria Sir Gaspard, presque de mauvaise humeur. Je souhaiterais être quelque potentat despotique de l'Orient, et avoir le pouvoir de vous obliger à choisir entre rester mon hôte ou vous rendre dans la cour pour y être étranglé. Mais notre civilisation occidentale s'oppose à ces sortes de choses, et je ne puis que vous demander de venir aussi souvent dîner avec nous que vous le pourrez. Je serais très heureux de revenir. Vous ne pouvez pas supposer que je sois assez mal élevé pour ne pas apprécier le plaisir d'une société telle que la vôtre. Mais je vous l'ai déjà dit, Sir Gaspard, il y a des circonstances de ma vie qui m'empêchent d'avoir jamais un foyer à moi. Et je suis effrayé de trop m'habituer à une agréable intimité. J'ai passé 12 mois très confortablement sans autre compagnon que ma pipe et mes livres, et je dois retourner mon ermitage avant que les habitudes de sybarite engendrées par votre hospitalité ne se soient tout à fait emparées de moi. Le locataire de Sir Gaspard avait quelque peu appuyé sur les mots. Il y a des circonstances dans ma vie qui m'empêchent d'avoir jamais un foyer à moi. Et il avait jeté à Marcia un petit regard à la dérobée tandis qu'il les disait. La figure de Marcia était tournée vers lui avec une expression non déguisée d'une compassion infinie. En voyant ses yeux gris limpides, si étonnamment sereins, si calmes dans leur tendre sollicitude, il pensait que c'était ainsi que devaient briller ceux de l'ange de la pitié, contemplant pensivement les chagrins de la terre. Le locataire de Sir Gaspard sembla alors rejeter les tristes pensées qu'il avait rendues silencieux toute la soirée, et il causa, comme c'était son habitude de le faire, avec un empressement calme qui quelquefois s'élevait jusqu'à l'enthousiasme. Il avait près de 40 ans, et n'était donc pas affligé de cette terrible impuissance d'éprouver aucune émotion qui semble commune à toute la jeunesse de la génération actuelle. La vie lui semblait un champ de bataille duquel il est noble de sortir victorieux. Et s'il s'était retiré pour se cacher sous sa tente, c'est qu'il avait soutenu le combat et qu'il avait été vaincu, et non parce qu'il avait considéré la bataille comme une pitoyable bagarre à peine digne d'être gagnée. Ce soir-là, il parlait plus éloquemment que d'habitude, et Sir Gaspard, qui n'était qu'un persifleur, était obligé de laisser la conversation devenir presque un dialogue entre sa fille et son hôte, car il s'élevait dans des régions où il aurait fallu pour planer avoir des ailes plus puissantes que les siennes. Ah, comme ce soir-là, les heures semblaient courtes à George, et quel affreux tyran que ce roi des mers en bronze, fronçant le sourcil d'un air menaçant, au-dessus du cadran sur lequel l'aiguille des minutes tourne si rapidement. Il était plus de minuit quand un bâillement de Sir Gaspard, poliment étouffé, donna à ce petit cercle le premier avertissement de quelque chose ressemblant à de la fatigue, et rappela Ponsford de ce pays éloigné des hautes pensées, où il lui était si agréable d'errer avec une personne aussi charmante et aussi bonne que Marcia. Peut-être était-ce là son plus grand charme. Elle était vraiment femme, et non pas une de ces personnes pleines d'effusion, dont les yeux charmants se fixent sur vous avec une tendre compassion pendant une minute, si vous avez une vilaine toux, et qui aussitôt après s'élance et sort de la chambre en vous exposant aux horreurs d'un vent d'est en laissant la porte ouverte. Elle était une véritable femme, servant d'ange à l'heure de l'affliction, jamais capricieuse ni difficile à amuser en aucun temps, et ne s'attribuant pas le droit divin de s'amuser aux dépens du plaisir des autres. George jeta un regard de regret dans la pièce en disant bonsoir. « Je pense que je vous dis bonsoir et aussi au revoir, » dit-il. « J'ai fixé une de mes excursions pédestres à ces jours-ci et je partirai demain à la pointe du jour. »« Mais nous nous reverrons bientôt, je l'espère, Si vous êtes assez bon pour souhaiter qu'il en soit ainsi, je serai bien l'aise de revenir, de temps à autre. » Assez bon pour le souhaiter, s'écria Sir Gaspard, presque fâché. Quand j'ai trouvé le rare avis que j'ai cherché pendant ces 5 dernières années, un compagnon qui me fut sympathique. Nous allons l'un à l'autre de plus en plus, monsieur Pansford. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses en moi que vous n'approuvez pas, et beaucoup de choses en vous que je ne comprends pas. Nous sommes aussi éloignés l'un de l'autre que les deux pôles peut-être par le caractère. Mais nous sommes juste l'espèce de gens qui peuvent aller admirablement ensemble. Que peut-on faire avec un homme qui a les mêmes idées que soi? Le noir et blanc, dites-vous. Naturellement, cela est vrai, répond-il. Vous restez bouche close tout le reste de la soirée. Donnez-moi un homme qui dise « Non, cela n'est pas ». Je puis me mettre à discuter tout à mon aise avec lui. Mais j'y pense. Vous viendrez passer les fêtes de Noël avec nous, j'espère, monsieur Pansford. Aucune famille du comté, nulle soi-disant coutume Moyen-Âge, pas de hurle de sanglier avec des citrons entre leur défense, ni serviteurs se réjouissant, ni violon dans la galerie à musique, etc. Aucune de nos anciennes absurdités des fêtes de Noël du bon vieux temps. Pas de monsieur et madame conduisant Sir Roger de Coverley avec une suite de domestiques et de garçons de ferme faisant cortège par derrière, et l'odeur des étables et des écuries pénétrant l'atmosphère. Pas de beurre rôti brûlé à l'extérieur et cru à l'intérieur. Pas de ballots de couverture distribués à des paysans reconnaissants qui font la grimace à propos de la qualité de votre bœuf et médisent de vous à cause de la grossièreté de votre flanelle. Je suppose, malgré tout, que nous devons charitablement faire quelque chose par respect pour les préjugés de notre temps. Ma fille Marcia a carte blanche, et les femmes semblent trouver cette espèce de chose assez amusante. Quant au reste, nous serons tout à fait seuls. Je présume que la cuisinière insistera pour nous servir le boulet de canon d'usage sous la forme d'un plat sucré qu'on appelle plum pudding. Mais je vous promets qu'il n'y aura aucune pancarte du genre de celle que les épiciers et les propriétaires de journaux illustrés intitulent « La joyeuse saison ». Pansford sourit. Son sourire était charmant. D'autant plus charmant peut-être qu'il trahissait plutôt la réflexion et la tristesse que la gaieté. « Je n'ai pas l'intention d'oublier la joyeuse saison, dit-il, quoiqu'elle m'ait trouvé très solitaire pendant ces 15 dernières années. Mais je suis assez faible pour garder une ancienne affection pour les traditionnelles fêtes de Noël. Et je serai très fâché quand les derniers vestiges auront disparu dans l'obscurité d'un passé oublié et peu regretté. J'aime à entendre le clair tintement des cloches de l'église dès le matin de Noël et à me souvenir du voyageur errant qui a été plus sans abri que moi et qui est le premier à prêcher la dignité de la douleur. Ah ! S'écria Sir Gaspard en levant les épaules. Pas connu, mon ami. Vous vous souvenez de ce que Voltaire a dit, et si vous ne le faites pas, peut-être serez-vous fâché contre moi si je vous le cite. Quittons-nous, bons amis, et remettons nos querelles à Noël. Pansford hésitait. Vous êtes bien bon, mais vous êtes probablement fatigué de notre société, et vous ne voulez pas vous y exposer davantage. Mon cher Sir Gaspard, Ah, naturellement, vous n'irez le fait. Diogène est impossible dans un siècle où chacun envoie ses enfants à Eton. Si vous n'avez pas réellement de nous par-dessus la tête, et si vous n'avez pas d'engagement plus agréable, venez passer avec nous les fêtes de Noël, le promettez-vous? Oui, Sir Gaspard, si ma venue peut vous faire plaisir. Il parlait au baronnet, mais il regardait la fille du baronnet. La figure de Marcia, toujours pâle, ne trahissait cette fois ni émotion ni intérêt. C'était le visage d'une femme qui écoutait par pure politesse une conversation dont le résultat lui était entièrement indifférent. « Bonsoir et au revoir, Sir Gaspard. Bonsoir, mademoiselle Denison. » Il donna la main à chacun et sortit. Il s'arrêta un moment sur le seuil de la porte, de cette porte implacable qui, vivement poussée, venait de se refermer sur lui avec un retentissement sonore. « Je me demande si Adam a éprouvé ce que je sens en ce moment. » Quand l'ange ferma derrière lui les portes du paradis. Pensa-t-il, mais Adam était banni pour sa propre faute et moi. Une demi-heure après, il était dans sa chambre, la jolie chambre aux draperies bleues, où chaque objet répandait des émanations de ce délicat pot-pourri d'odeur particulier à l'abbaye. Cette chambre qui lui servait de foyer, avec cette gentille petite table à écrire, cet énorme fauteuil roulé près d'un bon feu pétillant, dans un âtre bizarre à l'ancienne mode. Seul dans cette pièce, Pauncefort se jeta à genoux près du lit et la figure cachée dans ses mains entrelacées, il pria longtemps et avec ferveur. Sir Gaspard aurait éclaté de rire, étonné et diverti qu'il eût été en voyant cet homme fort, aux larges épaules, agenouillé avec l'attitude respectueuse d'un petit enfant. Sir Gaspard aurait encore été plus surpris si on lui eût répété la fin de la prière de cet homme. « Oh mon Dieu, gardez-moi de l'aimer. Paralysez tous les sentiments de tendresse de ce cœur flétri. Donnez-moi la force d'accepter ma destinée et de la supporter jusqu'à la fin. »